Conte de fées en français. Un thé avec le magicien. Il était une fois, dans un royaume très lointain qui portait le nom des îles monotones, vivait un roi de 14 ans qui s'appelait le roi mélancolique. Le roi mélancolique avait changé le nom du royaume qui s'appelait auparavant l'île de la joie. Dans ce royaume, tout a l'air si inintéressant et moche aussi. C'est l'endroit le plus exaspérant du monde. Les infirmières et les conseillers tentèrent tout ce qui était possible de faire pour le rendre joyeux, mais en vain. 5 îles rondes à la suite. Si seulement quelques-unes d'entre elles étaient au moins carrées. Tandis que le roi se tenait là à s'apitoyer sur lui-même, il entendit le son d'une voix de petite fille qui chantait une chanson traditionnelle. Sing-song, ne sois pas long. Mélancolique, Lick, viens jouer. Ding-dong, dépêche-toi, mon roi. J'ai quelque chose de bon pour toi. Ding-ding-dong, un bon roi ne me ferait pas chanter pendant des mois. En entendant cette chanson, le roi fut transporté d'excitation. Il sortit du palais en courant et dévala la colline en direction de la voie. Au même instant, la petite fille remarqua le roi et s'avança vers lui en courant. C'était toi qui chantais la chanson? D'où viens-tu et qui es-tu? Eh bien, le roi a tant de questions, dis donc. Je m'appelle Œil Brillant et oui, c'est moi qui t'appelais de loin. Tu as vu juste. Oh, et pourquoi m'appelles-tu ainsi? Le magicien qui vit un peu plus loin d'ici m'a dit de chanter cette chanson pour toi, alors je l'ai fait. Je ne connais aucun magicien. Ah bon, vraiment? À quoi bon être le roi si tu ne connais pas tous les gens qui vivent dans ton royaume, enfin? Ce n'est pas possible, ça. De honte, le roi mélancolique se prit la tête dans les mains. Mon bon roi, tu n'es pas bien heureux, toi, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être heureux dans un royaume si triste et inintéressant comme ça? De quoi parles-tu, enfin? Ton royaume est le plus joli royaume du monde entier. Ça, tu peux me croire. N'importe quoi. Monte sur la colline avec moi et je te montrerai ce à quoi le royaume ressemble vraiment. Le roi et la fille se ruèrent tout en haut de la colline. Une fois arrivés au sommet, ils regardèrent le royaume. Eh bien voilà, as-tu déjà vu quelque chose d'aussi inintéressant? Inintéressant? Regarde comment le soleil brille sur les champs de maïs. Et regarde ces étendues de fleurs rouges et bleues. Rouge? Bleu? Je ne vois que des fleurs grises. Bon, et la mer alors? Tu sais très bien qu'elle ne change jamais. Mais la mer a des visages si différents et même aussi tellement de voix différentes, tu sais, n'est-ce pas? Tu es un poltron? Non, pas du tout. Mais si j'en étais un, je te ferais voir les choses du bon côté et pas du mauvais. Tu sais quoi? Pourquoi n'irions-nous pas voir le magicien pour lui demander de te désenchanter? Le roi mélancolique n'y réfléchit pas à deux fois et accepta tout de suite. Les deux redescendirent la colline et arrivèrent bientôt sur les berges d'une charmante rivière. Là, un tout petit bateau rond comme une baignoire les attendait. Et ils grimpèrent dedans ensemble. On s'amuse tellement! Le bateau va chavirer si tu ne restes pas assise. Assieds-toi et laisse-moi diriger. Je vais nous faire descendre la rivière. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu sais, car c'est le bateau que le magicien m'a donné. Et il t'emmènera toujours là où tu veux aller. Crois-moi. Ils s'assirent sous le soleil, tandis que le bateau flottait tranquillement. Ils trempèrent leurs mains dans l'eau, sans risquer de tomber en faisant cela. C'était un super moment pour tous les deux. Quand le bateau s'arrêta, ils se retrouvèrent au bord du rivage et, juste à peine plus loin, le long de la plage, se trouvait la demeure du magicien. Ils marchèrent à sa grotte, et en trouvant la porte ouverte, les enfants y entrèrent. Waouh ! C'est une grotte ? Le roi mélancolique fut frappé par l'intérieur magnifique de la grotte quand il repéra soudain le vieux magicien, assis dans son fauteuil et qui leur souriait. Œil brillant courut vers lui. J'ai amené le roi jusqu'ici. Seriez-vous un assez gentil magicien pour accepter de le désenchanter ? Le magicien se leva et serra les mains du roi, juste assez pour le faire se sentir à l'aise comme chez lui. Vous êtes de très gentils enfants et vous me demandez de l'aide à l'heure du thé. Je n'aime pas prendre le thé seul. Alors, souhaitez-vous le prendre à même le sol ou je fais venir une table ? Le roi vota pour le sol, car il avait toujours pris tous ses repas à table pendant toute sa vie. Mais Œil Brillant voulait voir ce qu'il se passerait s'il choisissait la table. La table, s'il vous plaît ! Le magicien acquiesça et frappa d'un coup par terre. Et alors, une superbe petite table avec trois chaises entrèrent dans la pièce en marchant comme des personnes et s'installèrent au centre de la pièce. Eh bien, je ne savais pas du tout qu'une table et des chaises pouvaient marcher. Pourquoi pensais-tu qu'elle avait quatre jambes ? Le magicien s'affaira à la tâche et alluma le feu pour chauffer le thé. Et les deux enfants allèrent au placard pour prendre la jolie vaisselle et des choses à grignoter. Ils furent fous de joie de trouver le placard rempli de crémeux au chocolat et de gâteaux aux prunes. Prendre le thé ensemble fut très agréable. Le magicien et les enfants discutèrent de tout et de rien, tout en sirotant leur thé chaud et en croquant dans les délicieux gâteaux à la crème. À la fin, les deux enfants se souvinrent de la raison de leur visite chez le magicien. Monsieur le magicien, j'ai besoin de votre aide. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont je vois les choses. En effet, c'est vrai. Les poltrons ont jeté de la poussière dans tes yeux quand tu étais bébé, de sorte que tu ne puisses voir les choses de la même façon que les autres personnes. Quoi ? Pourquoi ont-ils jeté de la poussière dans mes yeux ? Parce qu'ils n'ont pas été invités à ta fête quand tu es né, voilà tout. Les poltrons n'aiment pas ça, mais eux seuls sauront quoi faire. La meilleure chose à faire pour toi, c'est de te rendre là où ils habitent et leur demander d'annuler le sort. Mais attention, c'est un long chemin si tu y vas seul. Je viendrai avec toi. J'ai toujours voulu aller de l'autre côté du soleil. Comment on fait pour aller là-bas, monsieur ? Eh bien, d'habitude, on y va en sautant sur un rayon de soleil. Mais je pourrais vous y envoyer en un éclair plus tôt. Il descendit un gros sac de l'étagère, étiqueté « Orage », et plongea sa main tout au fond. Œil Brillant se rapprocha un peu plus près du roi, en espérant que rien n'explose dans un gros bruit. Alors le roi mit ses bras autour d'elle pour qu'elle se sente plus en sécurité. Je te tiens à deux mains, et ça ne va frapper personne du moment qu'on s'en occupe avec grand soin. Maintenant, partez en un éclair. Ils n'eurent le temps de se rendre compte de rien et se retrouvèrent de l'autre côté du soleil. Ils restèrent un moment allongés sans bouger, là où ils étaient tombés. Puis, ils s'assirent, frottèrent leurs yeux et regardèrent tout autour d'eux. Oh ! Je n'avais pas idée que ça ressemblait à ça, dis-donc. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Un poltron était assis sur son front, sa manière préférée de reposer ses jambes. C'était très drôle à voir. Il y a pas mal de brouillard. Un brouillard jaune en plus. Je ne pense pas que ce soit un brouillard jaune. C'est plus comme un soleil un peu brumeux, non? Vous avez raison. Ce sont les gens de devant le soleil qui l'appellent le brouillard jaune. Ils sont aveuglés par leur propre soleil. C'est l'arrière du soleil. Je crois que je préfère de loin le soleil qui brille. Ah, c'est débile. Chez nous, tu aurais tous les avantages du soleil et aucun de ses inconvénients. Pas de coups de soleil, ni de taches de soleil. C'est drôle que tu n'arrives pas à le voir. C'est de ta faute. Si tes amis ne m'avaient pas jeté de la poussière dans les yeux, je verrais ton pays en pleine lumière. Ah, bonté divine. Ainsi, tu es venu pour te débarrasser de ton sort. Cependant, on ne peut rien y faire maintenant. Tu ferais mieux de rentrer. Peu importe que tu vois les choses du mauvais côté. Non, pas peu importe. C'est pour ça qu'on veut que vous repreniez le sort, s'il vous plaît. Le poltron sauta d'une jambe à l'autre et finit par trouver une solution réfléchie. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut échanger vos yeux. Les enfants fixèrent le sorcier, puis se regardèrent un moment. Très bien. Comment est-ce qu'on fait? Dis-nous. C'est assez facile. Tout ce que tu as à faire, c'est souhaiter de tout ton cœur d'avoir les yeux du roi à la place des tiens. Et voilà, c'est tout. Attends. Si je prends ses yeux et elle les miens, elle verra toujours tout de travers. Le roi avait parlé trop tard, car Œil Brillant avait déjà fait son vœu d'échanger ses yeux. Et en un rien de temps, ses yeux devinrent bleu profond, tandis que les yeux du roi devenaient marron foncé. Le roi fut très en colère contre le poltron, tandis qu'Œil Brillant riait gaiement à ce qu'il venait de se passer. Regarde ce que tu as fait. Elle va tout voir de travers jusqu'à la fin de ses jours. Ne fais pas l'enfant ridicule. Ramène-la à la maison et c'est toi de voir les choses du bon côté. Sans même s'en rendre compte, ils se retrouvèrent debout au sommet de la colline et regardèrent en bas vers le royaume des îles monotones. Oh, c'est mon royaume, ça? C'est tellement beau. Regarde comme le soleil brille sur les champs de maïs. Et aussi les superbes champs de fleurs rouges et bleues. Tu ne trouves pas que c'est un royaume magnifique? Œil Brillant sourit pour dire qu'elle était d'accord, même si elle ne voyait plus que 5 îles à la suite l'une de l'autre. Oui, comme tu le dis, c'est un magnifique royaume. Et c'est ainsi qu'ils purent voir à travers des yeux de l'autre. Au bout de quelques années, le roi mélancolique fit d'Œil Brillant sa reine des îles monotones. Et elle porte désormais une couronne à la place de son chapeau de soleil. Elle avait donné ses yeux au roi mélancolique en se sacrifiant, mais elle était toujours heureuse, ce qui prouve que le pouvoir de l'amour sincère et détaché de soi apporte la plus grande joie et la plus véritable satisfaction qui soit.